On va parler avec notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, la nouvelle de la journée, c'est le décès d'Henri Richard. Écoute, Henri Richard, on savait depuis plusieurs années qu'il était atteint d'Alzheimer. Ben là, finalement, je pense que c'est une délivrance pour toute la famille. Je parlais avec Yvon Lambert tout à l'heure, puis il disait que, mettons que c'était pas facile, vraiment pas facile pour la famille. Effectivement, t'as raison. Écoutez, c'est une maladie qui frappe plusieurs familles maintenant, l'Alzheimer, et les gens qui passent par là, j'en connais, moi, puis c'est effectivement très difficile pour la famille parce que la personne ne reconnaît plus personne. En réalité, quelqu'un me disait dernièrement que sa mère avait de l'Alzheimer, puis il disait, c'est pas ma mère, ça. Et avant, il dit, elle m'embrassait, elle me connaissait, j'arrivais là, t'es content de me voir. Maintenant, c'est comme un étranger qui arrive là. Donc, il dit, effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent vivre ça. La famille Richard le vivait depuis quelques années avec Henri. Donc, effectivement, je pense que il y a une sorte de délivrance, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Phil, ton meilleur souvenir d'Henri Richard? Écoute, Henri Richard est un joueur de hockey qui, écoute, moi, je pense qu'il a joué dans l'ombre de son frère, même s'il n'a pas joué très longtemps, parce qu'il y a quand même 15 ans de différence entre les deux. Mais c'est un grand joueur de hockey. Écoutez, 11 Coupes Stanley, il n'y a personne qui va atteindre ça, ce chiffre-là, maintenant. Surtout dans le hockey moderne, au moment où je te parle. Il a joué au-delà de 1000 parties dans la Ligue nationale. Il a au-delà de 1000 points. Donc, c'est un point par partie, là. C'est, t'sais, quand tu regardes ça, les statistiques, là, tu dis, c'est impressionnant. Et deux, c'est que, moi, je pense qu'il n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Parce qu'il a joué, après, avec Jean Béliveau, il a joué avec des grands joueurs qui ont connu, qui avaient du charisme. Alors qu'Henri Richard était le gars effacé, qui voulait pas donner presque d'entrevue, qui était à côté, qui faisait le travail souvent ingrat de jouer contre le meilleur trio de l'autre côté, mais il trouvait le moyen d'aller chercher son point par match, mais ça demeure une... C'est sûr qu'on fait des comparaisons avec Maurice Richard qui a même jamais atteint le 1000 points. Mais Maurice Richard était, à une époque, un symbole pour les Québécois, pour les francophones. C'était le gars au Québec, comme l'a été René Lévesque en politique. Là. Donc, quand tu regardes, tu vois... Maurice Richard, c'était le symbole. Écoutez, l'émeute du forum, il est obligé de faire une mise au point à la radio pour dire aux gens, là, arrêtez, là. Oui, oui, c'est moi qui est dans l'erreur. Puis dire aux gens, on retourne au centre, au forum de Montréal, puis on fait comme si rien n'était. Mais Henri Richard, quand tu regardes son rendement, quand tu regardes ses statistiques, qu'est-ce qu'il a gagné? Ben, faut admettre que c'est parmi les grand joueur de l'histoire de la Ligue nationale. Il est au temple de la renommée. Il a gagné des trophées. Il a gagné un peu partout. Donc, c'est vraiment un très, très, très grand joueur de hockey. Mais il n'y a pas le charisme d'un Guy Lafleur, d'un Jean Béliveau ou bien d'un Maurice Richard. Mais ça demeure un très grand joueur de hockey. Mais Phil, je parlais avec Yvon Lambert. Puis Yvon Lambert me disait que dans le cas de Henri Richard, c'est un joueur quand même qui a réussi à faire sa marque malgré Maurice. Puis c'était pas le plus talentueux, mais il était tellement travaillant. Ben, écoute, moi je me rappelle, j'ai vu jouer. Tu sais, je veux dire. Donc, effectivement, il était travaillant. C'était un gars, écoute, il mesurait 5 pieds 7 à peu près, il pesait 160 livres. C'était pas le gros bonhomme, là. Mais je peux vous dire que. Il rentrait jamais. Je ne vois pas nécessairement toujours sous l'attaque à 5. Je ne vois pas sur le premier trio. Mais le travail qu'on lui demandait, c'est un travail qui était surtout contré souvent les trios adverses. Et quand tu regardes les statistiques, il marque un point par match. Là. Au jour d'aujourd'hui, un joueur qui marque 80 points par année avec 80 matchs, on trouve que c'est un all-star. Mais dans ce temps-là, c'était pas nécessairement le même genre de hockey. Mais ça demeure quand même, effectivement, un joueur qui a marqué, je pense, l'histoire du Canadien pendant 20 saisons. 11 Coupes Stanley, temps de la renommée, tu sais, je veux dire, 4 ans après sa retraite, il était déjà au temps de la renommée. Donc, tout le monde le reconnaît à travers les nationales que c'était un joueur de hockey qui a marqué l'histoire du Canadien. So, c'est le dernier, je pense, des grands, là. Il va rester Guy Lafleur, puis peut-être Patrick Roy, là, dans ces gens-là. Tu sais, quand tu regardes les gens qui ont marqué l'histoire du Canadien, là, tu sais, moi, je pense que le prochain, c'est Lafleur, là. Roy, peut-être moins. Mais Lafleur, ça demeure une méga star comme était Maurice Richard, comme a été Jean Béliveau. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Ça commence pas mal à partir, là, les gens qui ont des Canadiens. Ça veut dire qu'on vit. Les grandes années des Canadiens où ils ont remporté plusieurs Coupes Stanley, effectivement, ces joueurs-là sont tous à 70 ans et plus autour de ça. Là. Donc, effectivement, c'est la fin je pense, de la décennie des grands joueurs de hockey où le Canadien remportait Coupe Stanley puis après Coupe Stanley. Ouais. Phil, on ne s'est pas parlé la semaine passée, je voulais que tu parles de Justin Saint-Pierre. 1000 matchs dans la Ligue nationale, c'est quand même quelque chose de... C'est quand même très spécial, là. C'est une... Ben écoute, et parce que je reviens, parce que la semaine dernière, il y a une station de radio qui était faite, qui m'appelait en disant qu'il y avait un sondage auprès des joueurs qui était un des arbitres les moins populaires. Mais j'ai dit au départ, là, dites-vous que c'est pas un concours de popularité arbitre dans la Ligue nationale. Un. Ouais. Deux, si Justin a fait 1000 matchs en Ligue nationale, c'est parce que ses patrons le considèrent comme un gars qui a énormément de potentiel, énormément également d'expérience. Puis je pense qu'il y a énormément de talent là-dedans. Parce que tu peux pas rester pendant 16 saisons puis disputer arbitrer 1000 matchs en Ligue nationale sans qu'on reconnaisse que tu es un arbitre de très grande qualité. Ça, je pense qu'il faut le dire, là. Puis dans le cas de Justin, 16 saisons, 1000 matchs, ben, chapeau. Écoutez, c'est pas tout le monde qui a réussi un tel exploit. Puis, comme je le dis, arbitrer au hockey, c'est jamais une chose qui est facile. C'est après une condition physique extraordinaire parce que ces gars-là vivent dans les aéroports et dans les hôtels. Parce que eux, ils jouent jamais à domicile. Ils sont toujours sur la route. Dans le cas de Justin, il demeure à Columbus, mais c'est simplement pour avoir un pied à terre parce qu'il va l'aider au niveau de personnel de dire pour voyager un peu moins, parce que lui, en réalité, là, il arbitre beaucoup au centre des États-Unis, dans l'Ouest américain, puis dans l'Ouest canadien. D'ailleurs, au Centre Bell, on le voit une fois ou deux par année maximum, là, parce qu'il fait le tour de la Ligue. Mais dans son cas à lui, je pense que Justin, faut dire que c'est une brillante carrière, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais puis moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il reste à peu près 4-5 ans. Là, parce que, il est rendu à 46 ans, en haut de 50 ans, les jeunes arrivent. Puis deux, le hockey est de plus en plus rapide, il faut le dire. Là. Ouais. Donc, mais moi, je pense que l'arrivée d'un deuxième arbitre a aidé à prolonger la carrière de certains officiels. Parce que moi, au moment où j'arbitrais, c'était 60 minutes up and down, sans arrêt, de haut en bas, sans arrêt. Ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on couvre la moitié de la patinoire. Mais le hockey est tellement rapide aujourd'hui, on n'a pas le choix. Les arbitres, s'ils veulent être près de l'action, il faut leur donner l'occasion d'être près de l'action. Donc, c'est pour ça qu'un peu, on divise la patinoire en deux avec deux officiers. OK. Phil, autre nouvelle aussi. Écoute, il y a une rumeur, je ne sais pas si tu as vu passer ça cette semaine. On sait que Marc Bergevin s'est rendu souvent au Colorado. Puis on disait que Jonathan Drouin pourrait quitter cet été en tour de Samuel Girard. C'est sûr, ça vaut ce que ça vaut, là. Mais c'est pas d'hier qu'on apprend que Samuel Girard est intéressé le Canadien. Là. Mais moi, je vais te dire honnêtement, là, demain matin, jamais le Colorado va échanger Samuel Girard qui joue 20 minutes par match, alors qu'on voit que Drouin, sa carrière, la misère a démarré. J'enlève le rien là, au talent de Drouin. Ça devait être un joueur qui devait, comme McKinnon, être un joueur dominant dans la Ligue nationale. Ça n'a pas été le cas depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Les blessures l'ont affecté, oui, mais ça demeure que quand je regarde Samuel, moi, je regarde le temps de jeu de Samuel tous les soirs. Il joue entre 20 et 22 minutes presque à tous les soirs. Donc, il est devenu un joueur indispensable. Quoique le Colorado, il faut l'avouer, ont une défensive extrêmement jeune, extrêmement talentueuse. Et ça, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont 3 à 4 jeunes défenseurs de très grand talent qui peuvent jouer 20-22 minutes. Est-ce que un jour ou l'autre, dans le cas de Joe Sakic, qui va être tenté d'échanger un de ces défenseurs-là pour combler un poste en attaque, pour dire on va au bout ou on a besoin de ça? Peut-être. Mais ça demeure quand même que moi, je doute que le Canadien, je dis pas que le Canadien n'est pas intéressé, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Samuel Girard, il est bien mieux de voir au Colorado. La pression au Colorado n'est pas la même qu'au Centre Bell. Le même matin, Samuel Sagnon au Québec, là, on le voit comme le défenseur numéro 1, comme la All-Star. Tu sais, à partir de là, c'est pas le même jeu, c'est pas la même façon de jouer non plus. Moi, personnellement, je pense qu'il est bien au Colorado. Il a signé un contrat à long terme qui lui assure son avenir. Ça, il n'y a aucun problème. Mais pour 5 millions, pour l'Avalanche, c'est pas cher. Là. Ben, c'est pas cher. Pour, écoute, avec les jeunes joueurs qu'il y a autour, avec les joueurs vedettes qu'il y a là, je pense que c'est un bon coup de Joe Sakic, mais ça demeure quand même un défenseur qui est parmi les 4 meilleurs défenseurs de son club. Je te dis pas qu'il est défenseur numéro 1, il est 2, mais il est parmi les 2, 3, 4 meilleurs défenseurs du club. Donc, à 5 millions, tu peux pas payer tous tes défenseurs à 6 millions, là. Il restera plus rien pour un attaque. Donc, c'est un peu le problème. Ce qui va aider les DG, c'est la nouvelle de cette semaine qu'on va augmenter probablement le plafond salarial de 5 à 6 millions. Donc, à ce moment-là, ça va aider, bien entendu, les directeurs gérants à mettre un peu plus d'argent avec certains joueurs. OK. Phil, on se reparle vendredi prochain. Merci. Commentaire de Philippe Gagné.